Mademoiselle de Menton, chez qui j'allais l'après-midi, l'était toujours, et me faisait une impression tout aussi douce, mais différente. Ses cheveux étaient un blond cendré. Elle était très mignonne, très timide et très blanche. Une voix nette, juste et flûtée, mais qui n'osait se développer. Elle avait, au sein, la cicatrice d'une brûlure d'eau bouillante qu'un fichu de chenille bleue ne cachait pas extrêmement. Cette marque attirait quelquefois de ce côté mon attention, qui bientôt n'était plus pour la cicatrice. Mademoiselle de Châles, une autre de mes voisines, était une fille faite, grande, belle carrure, de l'embonpoint. Elle avait été très bien. Ce n'était plus une beauté, mais c'était une personne à citer pour la bonne grâce, pour l'humeur égale, pour le bon naturel. Sa sœur, Madame de Charly, la plus belle femme de Chambéry, n'apprenait plus la musique, mais la faisait apprendre à sa fille, toute jeune encore, mais dont la beauté naissante eût promis d'égaler celle de sa mère, si malheureusement elle n'eût été un peu rousse. J'avais à la visitation une petite demoiselle française dont j'ai oublié le nom, mais qui mérite une place dans la liste de mes préférences. Elle avait pris le ton lent et traînant des religieuses, et sur ce ton traînant, elle disait des choses très saillantes qui ne semblaient pas aller avec son maintien. Au reste, elle était paresseuse, n'aimait pas à prendre la peine de montrer son esprit, et c'était une faveur qu'elle n'accordait pas à tout le monde. Ce ne fut qu'après un mois ou deux de leçons et de négligence qu'elle s'avisa de cet expédient pour me rendre plus assidu, car je n'ai jamais pu prendre sur moi de l'être. Je me plaisais à mes leçons quand j'y étais, mais je n'aimais pas être obligé de m'y rendre, ni que l'heure me commandât. En toute chose, la gêne et l'assujettissement me sont insupportables. Ils me feraient prendre en haine le plaisir même. On dit que chez Mahométan, un homme passe au point du jour dans les rues pour ordonner aux maris de rendre le devoir à leur femme. Je serais un mauvais Turc à ces heures-là.